Faites preuve de piété, esclaves de Allah, Vous ne vous laissez pas entraîner par le bas-monde, ses plaisirs et ses biens, au point de vous écarter de l'adoration à Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a réservé beaucoup mieux que cela. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté dans le Sahih de Muslim, a dit ce qui signifie: certes, ces biens matériels sont comme des fruits frais et doux. Celui qui les obtient justement, c'est-à-dire de voie licite, il les utilise justement dans une voie que Dieu agrée, combien ils lui seront utiles. Mais celui qui les obtient injustement, c'est-à-dire une voie interdite, il est semblable à celui qui mange sans jamais se rassasier. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé l'argent du point de vue du désir de l'obtenir et du point de vue du penchant et de l'attachement de l'âme à le posséder, aux fruits qui sont frais, bons et sucrés, que l'âme désire et pour lequel elle penche. Celui qui obtient son argent d'une manière licite, qu'il utilise de façon licite, en s'en servant pour combler ses besoins et ceux de sa famille, et en le dépensant dans les voies de la bienfaisance et du bien, dans l'intention de se préserver, ou bien en l'utilisant pour son épouse avec une bonne intention, en recherchant l'agrément de Dieu, ou pour ses enfants, ses parents ou ses proches parents, il s'agit alors d'un immense bienfait de la part de Allah envers son esclave croyant. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: ni'mal mal salih lil rajul salih. فالرجل الصالح هو الذي يؤدي الواجبات، تعلم الدين ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يأخذ ماله بطريق حلال ويصرفه بوجوه الخير، فنعم المال له. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est bien l'argent licite dans les mains de l'homme vertueux. L'homme vertueux qui a appris la religion, qui pratique, qui applique, il prend son argent d'une voie licite que Dieu a rendue licite et il le dépense dans la voie que Allah agrée. Et par cela, donc, il est récompensé. Et là, le Rasoul alayhi salam, lam yadumma al-mal ala al-itlaq mutlaqan, yani bi kulli halal, innama qala ni'mal mal salih li rajul salih, yani المال إذا كان من طريق حلال وصرفه في الخير فهو نعمة، أما إن كان من طريق حرام أو كان من طريق حلال وصرفه في الحرام فيكون وبال عليه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فحاسب نفسك أخي، من أين تكتسب هذا المال؟ هل هو من حلال؟ وأين تصرفه؟ وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc les pas de l'esclave le jour dernier ne quitteront pas la station à l'heure de laquelle il rendra des comptes avant d'être interrogé sur quatre choses. Il sera interrogé sur sa vie, dans quoi il a passé, sur sa connaissance, dans la religion, qu'en a-t-il fait? Est-ce qu'il a appris la religion? Est-ce qu'il a pratiqué? Sur ses biens, d'où les a-t-il acquis? Dans quoi les a-t-il dépensés? Est-ce qu'il a acquis l'argent d'une voie licite? Il a dépensé d'une voie licite? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Pose-toi des questions, mon cher frère, avant d'avoir à répondre, et demande compte à ton âme avant d'avoir à en rendre compte. Qu'Allah t'accorde ainsi qu'à moi-même le degré de ceux qui sont toi. S'empressent de dépenser leurs biens licites dans les voies du bien et dans l'obéissance. De ceux qui prennent des commissions pour l'au-delà par les bonnes œuvres, nuit et jour, afin que ce soit un butin, une provision pour nous le jour de Le jour où rien ne sera plus profitable, ni les biens matériels, ni les enfants, sinon le fait d'avoir agi à l'égard d'Allah avec cœur saint. Yawma idha ta'mal fi hadhihi ad-dunya hatta takuna rabihan yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Salim ay min al-kufr wa al-shirk wa yakun yani fa'al al-khayr wa mukhlisan lillahi ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم ألئ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من امركم مخرجا واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا